Ok, on revient sur le même truc. Nègre, clair ou foncé, cessez d'être corrompu dans la bêtise, d'idolâtrer des négros qui rendent même pas service à la communauté. Au contraire, serrez les rangs, le poing en l'air. L'Afrique et les Antilles, un seul chemin, un seul objectif. Esco, l'Alco, deux voix suprêmes. Voix suprême, Fred le magicien. Ah ouais. Je pense profond que la génétique nous a donné force mentale. Que l'ennemi n'est pas derrière la porte, mais devant moi, il qui tient le métal. Noir jusqu'au cœur, grosse jalousie et partie génitale, légende. Les chaînes sont virtuelles, mais pas comme celles de Kunta Kinte. Les derniers, c'est la place qu'on compte pas quitter. Nègre comme goût amer, aigre, maigre, d'esprit allègre. Dans la pègre, ne m'appelle pas mon frère, t'insultes ma mère. Juste un thème, une loi. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Ne pense pas moi et moi, pourquoi me dire toi, tais-toi. Le point levé, oublions les mauvais termes. Discipline, sapé en noir, en marche dans l'harmonie de l'épiderme. C'est pour mes négros, plus pour les faux que les vrais. Pour qu'il faut vraiment l'idéologie du black fauve, je suis navré. Se serrer les coudes que se tenir le pont. Célèbre six coups qui poussent nos pères à acheter des pierres aux pompes funèbres. J'ai longtemps rêvé des États-Unis d'Afrique. Dans ma vie, mêler l'intelligence à la frite. Et ce qu'on parle, l'alco, c'est pas des paroles complaisantes. T'es dans le faux si tu crois qu'on plaisante. Du bounty, j'ai la répugnance. Poésie nazie, envers les siens, pauvre éducation, c'est l'ignorance. Braquer le ciel, sagesse et pouvoir pour seul putain. Être un putain négro qu'un négro putain. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. Arrêtez de vivre en mourant. Mouillez-vous, profitez pas de la pluie pour chier dans le torrent. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. Passer du soldat au président. Une carte nationale vaut mieux que celle du résident. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. Esco, l'alco, tout le monde vient pêcher chez nous comme les égyptiens. Maintenant c'est même écrit dans le parisien. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. D'abord au comico on balance les chiens. L'Afrique c'est mon royaume, on la laissera pas en chien. Pourquoi sommes-nous les cibles hein? À la recherche de grosses sommes qui nous nouent au crime hein. Et aux impayés, ils ont bâti leur économie avec nègre. Sera ton employé comme règle 1. Enfermé dans une pièce, à me dire que mon faux va payer. Petit fils de ceux qu'on pendait. Nos ennemis sucent la langue du MAL. LAL, quand j'écrivais les négros, je savais que j'étais trahi par cela même. En vérité, je vous le dis à Paname, les mecs n'ont la banane que s'ils mettent du sable dans ton riz, mais ils mourront pas. Comme disait un de mes morts puissants, je descends pas du saint, je descends du Mercedes 600. Babylone, je tue et j'arrive après comme il. Tu vends de la mort mentale, tu les enchaînes et ils deal. Contre le temps en grammes de cesse, jusqu'à ces soirs de grands drames, de grosses armes et de longues lames à la tête. Ils disent se reconnaître dans mes couplets. Eux sortant de prison, eux ayant vu des hommes s'accoupler. Pour certains, le crime s'arrête comme une respiration. 27 ans et je sais toujours pas d'où vient mon inspiration. On vient mettre l'œil sur chaque monnaie. Comme des fils de cham banquier, écharpe au nez. Mouvement de char, meurtrier, puissance de char. Et esprit de charpentier de voix suprême, négro. La turbulence, pas d'ambiance, sans stupéfiant. Tes soi-disant amis d'enfance qui t'envoient dans l'ambulance. Bord de métaux. Le diable est un escroc, il a carotté mon ghetto. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. Arrêtez de vivre en mourant. Mouillez-vous, profitez pas de la pluie pour chier dans le torrent. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. Passer du soldat au président. Une carte nationale vaut mieux que celle du résident. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. Esco, l'alco, tout le monde vient pêcher chez nous comme les égyptiens. Maintenant c'est même écrit dans le parisien. Les négros, putain les négros. Les négros putain, les putains négros. D'abord au comico on balance les chiens. L'Afrique c'est mon royaume, on la laissera pas en chien. Esco, l'alco, noir sur noir, dress code, let's go. Rien à voir avec ces négresses de négros. Nous on agresse pour le trône. On n'aime pas ceux qui s'engraissent sur les autres. Ok. Deux voix suprêmes. Les voix suprêmes sur les rues de l'extrême. Que Dieu bénisse notre peuple. Et que la violence nous emmène. Ok. Intelligence, la violence dans l'intelligence. Dédicace à tous les gars au placard. Tous les gars qui gambergent dans le noir. Ok. À tous ceux qui sont derrière les barreaux. 9 ans derrière, ça fait long mon frérot. J'espère qu'on va te revoir et que t'as encore la pêche. Sinon à toutes les équipes, tous les quartiers, wesh. On s'élève, on grandit, on bâtit, on construit. Les autres parlent, on les détruit.